s'est passé 40 années de sa vie à travailler 8 heures par jour, 5 jours sur 7, dans un bureau minable, avant d'être jeté et de se retrouver dans un asile de vieillard, à appeler la mort de ses voeux, dans l'angoisse de ne pas arriver jusqu'aux toilettes à temps. Toi, ce n'est pas de la folie, ça. Le fil de la thermie.